La magie du moment a réchauffé mon sang. Des tours de passe-passe me donnent de l'audace. Et moi je suis troublé de t'avoir écouté. La chaleur de ta voix résonne en moi. À quoi bon retarder le moment d'être ensemble? Nos désirs sont croisés et nos rêves se ressemblent. Pour peu ou bien longtemps, jouissons de l'instant. Sans autre contretemps, soyons amants. Et tout ton temps perdu au pays des robots doit être rattrapé peau contre peau. Je partage ta joie, j'ai besoin de tes bras. Je ressens un bonheur que je ne connais pas. À quoi bon retarder le moment d'être tendre? Nos désirs non lassés et nos corps d'être ensemble. Contre-temps, soyons amis.